بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إخواني الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يسرني أن أزوركم مرة أخرى وأن ألتقي بإخواني الفضلاء في هذه المدينة مدينة تركوان وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة وفي هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته. Mes frères, une fois de plus, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait l'énorme faveur de nous réunir dans une de ses demeures afin qu'ensemble nous essayions de profiter les uns des autres et d'augmenter notre foi et notre science et qu'on puisse une fois de plus se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Ikhwani kulliftu fi hadhihi ad-dawra an ulqiya muhadaratayn aw thalath fi at-taraji wa sawfa tasma'una insha Allah fi al-yawmayn al-muqbilayn ma ahdartuhu lakum. لكن هذا يحتاج إلى مقدمة كي تعم الفائدة. Mes frères, donc, on m'a chargé pendant cette daura de vous parler, de préparer donc deux ou trois conférences sur des biographies de certaines personnalités du monde musulman. Et donc, on m'a demandé aussi de vous faire un petit cours tout de suite, dans lequel on va se servir, du moins dans lequel on va faire une introduction à ce genre de cours pour qu'il nous soit le plus utile possible. Mes frères, personne ignore que le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, elle est divisible en trois catégories principales. Donc on a janib al-tawhid wal-umur al-aqadiyya. Donc on a tout ce qui concerne l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et les points de la croyance. On a l'ahkam, on a tout ce qui est règles juridiques, al-halal wal-haram wal-mubah wal-wajib wa ghayri dhalik. Et on a al-qasas. Nous avons les histoires. Qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, notamment dans la période mécoise, comme les savants du tafsir, ils nous disent que le Coran, au niveau de sa chronologie, il se divise en deux catégories. Al-Qur'an al-Makki ou Al-Qur'an al-Madani. Le Coran mécois et le Coran médinois. Mais le Coran mécois n'est pas forcément le Coran qui a été révélé à la Mecque. Mais il fait référence à tout ce qui a été révélé avant quoi ? Avant la hijra, avant l'émigration du prophète à Médine. Et le Coran al-Madani fait référence à tout ce qui a été révélé après la hijra, même si ça a été révélé à la Mecque. Comme le verset de sourate al-Ma'idah, al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, al-Aya. Ce verset a été révélé dans l'année de Hajjat al-Wada' à Arafat. Et pourtant, c'est un verset médinois. Taïb, quand on regarde dans le Coran de Mecca, on retrouve plusieurs points particuliers qui le distinguent du Coran médinois. Premièrement, on trouve les versets ghaliban, ils sont courts. Les versets, ils sont courts. Contrairement aux versets qu'on trouve dans les sourates médinoises qui sont longs. Prends sourate Al-Baqarah, ayat al-Dayn, le verset de la dette. C'est le plus long verset du Coran. Amma dans les sourates qui ont été révélées à Mecca, tu trouves les versets, ils sont courts. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun ila akhirih. Idha as-sama'u shaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat ila akhirih. Des versets courts. Deuxième point, al-quwwa fi al-lafd wal-ma'na. Tu trouves une force dans les termes employés et dans les sens qu'ils contiennent. Troisièmement, at-tarkiz ala al-iman bil yawm al-akhir wal jannati wan nar. L'insistance sur ce qui concerne la foi dans le jour dernier et notamment le paradis et l'enfer. Et al-qasas, les histoires. Ces histoires qui ont pour but de raffermir le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ceux qui le suivent. Allah dans le Coran dit dans sourate Hud: "Wa kullan naqussu 'alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Et toutes les histoires que nous te racontons des informations des messagers qui ont précédé ont pour but de raffermir ton cœur. Ma nuthabbitu bihi fu'adak. Et dans sourate Yusuf alayhi salam, cette sourate qui porte le nom d'un prophète dans laquelle aucun autre prophète n'est cité, à part lui. بصرف النظر عن كون أبيه نبيا يعقوب عليه السلام القصة قصته. طيب l'histoire c'est celle de Youssouf, même si le père de Youssouf est un prophète aussi, l'histoire c'est celle de Youssouf عليه السلام. À la fin Allah عز وجل il nous dit dans cette sourate, le dernier verset de la sourate: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Il y a certes dans leurs histoires des moralités pour les doués d'intelligence. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. Ce n'est pas une histoire inventée, mais c'est une confirmation pour ce qui arrive. يرحمك الله. Et dans ces histoires-là, elles ont ce but premier, c'est de raffermir le cœur des croyants. Ensuite, tasliya, c'est une consolation en te faisant comprendre et savoir que les difficultés que tu peux rencontrer en tant que croyant, d'autres avant toi les ont rencontrées. Et voici comment eux, ils ont gagné dans cette épreuve et comment ils ont atteint les plus hauts degrés. Et donc tu sais comment ils ont été éprouvés et tu sais la récompense qu'ils ont eue en étant fermes dans leur foi et dans leur conviction. Donc toi, lorsque tu es confronté au même type d'épreuve, tu es soulagé parce que tu sais que tu n'es pas le premier à avoir ce genre d'épreuve, et tu es motivé parce que tu as un aperçu de la récompense qui t'attend si tu patientes. Ensuite, quand on regarde dans la sunna, on trouve que le prophète, alayhi salatu wasalam, souvent, il racontait aux compagnons radiyallahu anhum des histoires concernant Banu Israël. Les histoires concernant Banu Israël. Il y en a beaucoup. L'histoire de l'homme qui a tué 99 personnes. L'histoire de la femme qui a abreuvé un chat ou bien un chien et qui entre au paradis par cette cause-là. L'histoire des deux hommes, un qui était pieux, l'autre qui était pervers. Et le pieux, il allait toujours faire nasiha à son frère pervers. Et la fin du hadith et ainsi de suite. Beaucoup d'histoires dans ce genre-là. Pourquoi ? Premièrement, parce que Banu Israël est la communauté après la nôtre la plus grande et celle qui a eu le plus de prophètes et celle qui, malgré tous les signes et tous les miracles qu'ils ont pu voir avec leurs yeux, ont été le plus irrespectueux, les plus irrespectueux envers Allah Azza wa Jalla et ses messagers. Allah dit en parlant d'eux: kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun. Chaque fois qu'un messager leur parvenait mais qui n'était pas en cohérence avec leur passion, une partie d'eux les traitait de menteurs et une autre partie les tuait. Donc on a aussi notre faïda, c'est de voir les histoires des gens qui ont mal tourné et quelle a été la conséquence de leurs actes et le châtiment qu'ils ont connu pour ne pas qu'on suive les mêmes pas. Taïb, nous, donc on va dire 15 siècles après l'avènement du prophète, alayhi salatu wassalam, on nous parle donc du prophète alayhi salatu wassalam, on ne parle des sahaba radiyallahu anhum wa salaf. Je ne sais pas pour vous, moi quand je lis dans Sayyid al-Alam Nubala, je pose le livre comme ça, je me dis comment faut faire. Je me dis c'est trop dur. C'était des gens, je dis subhanallah, qu'est-ce qu'ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils buvaient pour faire une telle chose, pour avoir atteint de tels degrés. Khat tawfiq min Allah, la shak. Donc sahaba radiyallahu anhum, ils avaient comme professeur le prophète alayhi salatu wassalam. Tabi'in, ils avaient sahaba comme professeur. Atba' tabi'in, ils avaient tabi'in comme professeur. Nous, nos professeurs, c'était le prof de maths et de physique au collège et au lycée. Taï. Donc, des fois, on voit la différence, elle est trop grande. La séparation, elle est trop flagrante. Alors, on essaye de se rassurer en se disant, ouais, mais c'est normal, ils étaient comme ça, le prophète, c'est lui qui les a éduqués. Ou bien ils ont été éduqués par les compagnons, nous, on est venus des centaines d'années plus tard. On n'a pas d'exemple vivant. Ou bien si on avait vu le prophète, nous aussi on aurait fait la même chose. Alors, l'hasil, on va parler ensemble, inshallah, dans les cours qui arrivent, bi'ibnillah, de personnes qui, comme nous, n'ont pas vu le prophète, alayhi salatu wassalam. Des personnes qui, comme nous, ont vécu dans des endroits où ils n'étaient pas en majorité ou en force. Des personnes qui, comme certains parmi nous, ont des défauts physiques majeurs, ou plutôt un handicap, comme la cécité, le fait de ne pas voir. Donc comment ces gens-là, malgré ces difficultés, malgré ces handicaps, ils ont laissé derrière eux des souvenirs et des récits relatant de leur vie. Et comment nous, on peut tirer profit de ces informations. Donc, taban, on a choisi comme personnalité des grands savants de l'islam. Puisque toute personne présente ici a un intérêt particulier pour apprendre la science. Toute personne étant ici a l'intention de faire son maximum pour apprendre le plus. Quand tu lis le qawl, le verset où Allah Azza wa Jalla dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Quand tu lis le verset où Allah Ta'ala il dit « Ne crains Allah parmi ses serviteurs que les savants » Toi, tu aspires à craindre Allah plus que les autres. Et tu sais que le seul moyen pour arriver à cet objectif, c'est d'apprendre la science, alors tu apprends la science. لكن للأسف هناك عوائق وموانع. Malheureusement, il y a des obstacles qui t'empêchent. Le matin, ton réveil sonne, t'as les paupières lourdes. Alors tu dis encore wahad 5 minutes. Mais ces 5 minutes, elles se transforment en 2 heures assez rapidement. Après, tu te réveilles, tu prends ton benko. Le temps d'émerger de ce sommeil, de ce post-sommeil qui est toujours un vrai sommeil, même si tes yeux ils sont ouverts et tout, d'ailleurs, ma yadour hawlak, anta mazal tana'ima. Même si tu es réveillé, tu sens ce qui se passe autour de toi, en vrai, tu dors encore. Ta femme te parle, tu dis quoi ? Taïb ? Après, quand tu es vraiment réveillé, est-ce que tu es plus comme celui qui s'assoit sur son canapé et qui ne bouge plus ? Je pars dans le principe où tu ne travailles pas. Taïb, celui qui travaille. Il fait sa journée. Celui qui ne travaille pas, il est comme ça. Moi, des fois, je suis chez moi, je regarde ma maktaba, peut-être une demi-heure. Après, je me dis quoi ? Ah, ils sont beaux les livres quand même. Après, je regarde les titres comme ça, je fais ce livre-là, faut que je le lise, Inch'Allah. Je me mets ça dans la tête. Après, voilà, ton fils il vient, habille, donne-moi ci, ta femme elle vient, il manque ça. Et la journée passe et t'as rien fait. Et le lendemain, rebelote. Et après, tu veux quoi ? Tu veux être un savant ou bien un prêcheur ? Ou bien une figure qui laissera dans sa génération des traces. Taïb, il rapporte qu'At-Tabari, rahimahullah, ibn Jarir, At-Tabari, imam al-Mufassirin, il a réuni ses élèves. Il leur a dit, on va réunir, on va faire dans un livre, un ouvrage, dans lequel on va réunir tout ce qu'on peut trouver sur le tafsir. Alors les élèves, ils ont flippé. Ils ont dit, ça va nous prendre à peu près combien de pages? Il a dit, 30 000. Alors ils ont dit, oh là là, on va passer toute notre vie à faire ce livre-là alors. Alors, Rahmatan Bihim, il a baissé le nombre de pages à 7000. Quand ils ont fini, il leur a dit, maintenant, on va faire un livre dans lequel on va réunir tout ce qu'on trouve dans le tarir, dans l'histoire. Alors, ils ont dit, mais depuis, en partant de quel point dans l'histoire? Depuis Adam jusqu'à nos jours. Alors, ils ont dit, ça tiendra dans combien de pages, ça, à peu près? Là, il y a 30 000. Alors ils ont dit la même chose que la première fois. Ils vont chier, on va passer notre vie à faire ton livre. Et qu'est-ce qu'il a dit, cheikh? Rahmahullah. Il a dit, matatil himam. Matatil himam, yani les motivations, elles sont mortes. Il n'y a plus de motivation. On va faire 7000 pages, yallah. Mais qu'est-ce qu'il dirait s'il était avec nous aujourd'hui? Quand on dit aux frères, minimum, pour celui qui prétend à talab al-ilm, minimum, hein, écoutez bien, Jouz Amma, Arba'in Nawawiya. Les frères, ils te regardent, ils disent, Akhil, Arba'in Nawawiya. Il y a 40 hadiths, Allah dit, Akhil. Et tu veux que je me rappelle des rouat et des muhaddithin? T'en demandes trop. Arba'in Nawawiya. On ne va pas leur dire Boulour al-Maram, ces frères-là. On ne va pas leur dire le Coran. Hein? Voilà, mouchkila. Mouchkila, quand tu vois des frères. Ça fait 4 fois qu'il a ouvert l'Ajrumiya, il n'est jamais arrivé à la fin. Chaque fois qu'il commence, il arrive à peu près au tiers, après il s'arrête, après il attend qu'un autre frère l'ouvre, il retourne chez lui, et il reste avec lui jusqu'au tiers, après il arrête, après il va voir, et ainsi de suite. Il a cette tajriba nafsiya, ou charsiya, ou innama, an qulu lakum ma wasala ila udhunay, ou ma shahadtuhu bi nafsi. Moi je vous parle ça par expérience, pas une expérience personnelle, mais une expérience, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai pu entendre ou voir. Idem, qu'on soit sincère. Et wallahi les frères, j'en suis sûr que les frères vous l'ont dit et répété ici, la première des choses qu'il faut préparer en tant qu'étudiant dans l'ilm, c'est le sidq, la sincérité, être véridique. Pourquoi ? Tu veux ouvrir les livres? Pourquoi? Tu veux étudier. Et wallahi, celui qui est sincère, même s'il trouvera des difficultés à apprendre, il apprendra. C'est comme ce muhaddith, un alim kabir dans l'ilm al-hadith, qui n'arrivait pas à apprendre. Il n'arrivait pas. Il se battait des nuits entières à apprendre des hadiths, il n'arrivait pas. Un jour, il a désespéré. Il a dit, je veux sortir, sinon ma tête va exploser. Il est sorti. Et il y avait une petite chute pas loin de chez lui. Alors il s'est assis comme ça devant, il observait la coulée d'eau. Et il a vu une pierre sur laquelle cette chute tombait. Et il a remarqué qu'à force que les gouttes tombaient sur la pierre, elles avaient creusé, elles avaient rendu la pierre creuse. Et qu'on voyait donc la place de la goutte dans la pierre. Alors il a dit, subhanallah, il dit, si une goutte d'eau, avec sa fluidité, elle a réussi à laisser une trace visible, à creuser une pierre avec sa rigidité, comment mon cerveau n'arriverait-il pas à mémoriser des hadiths? Alors il est retourné chez lui. Il a étudié, il a appris. Et il est devenu un savant dans le hadith. Un autre, un nahwi, un grammairien. Il ne comprenait rien au nahwi. Marfou, mansoub, majrour, majzoum, pour lui c'était du charabia. Il essayait de comprendre, il n'arrivait pas. Et un jour, pareil, il a craqué, il a fermé son livre, il a dit, le nahwi, c'est pas pour moi. Comme on l'a entendu beaucoup de fois, chez beaucoup de frères. Oh, le nahwi, laisse tomber, moi, je ne le fais pas. Je fais le reste. يا أخي تبدو دفعه النحو لابد منه. طيب كما يزال العثيمين رحمه الله من شرح الأجرمية في المقدمات زي وقد مثل النحو بقصر من قصب بابه من حديد أي يصعب عليك الدخول لكنك إذا فتحت الباب سهل عليك كل شيء. تريد الانتقال من غرفة إلى غرفة أخرى بدون تكلف وبدون مشقة، ولكن الأساس أن البداية في هذا العلم صعب أو صعبة. جزاء العثيمين رحمه الله جزاء que la grammaire elle a été comparée à un château, à un palais dont la porte est en fer. Mais les murs, ils sont faits de roseaux qui se cassent facilement ou bien qu'on peut traverser sans aucun problème. C'est-à-dire que pour rentrer, c'est difficile. Pousser cette porte en fer, bien épaisse, bien lourde, c'est difficile. Mais lorsque tu es dedans, ça y est, c'est facile. Tu te dirige d'une pièce à l'autre sans aucun problème. وقد قيل النحو صعب وطويل سلمه اذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه يريد ان يعربه فيعجمه وهذا غير صحيح لا نوافقهم على ذلك بل النحو سهل بدايته سهله واذا فهمت قواعده الاساسيه صرت قادرا على ان تنتقل الى الدرجات العليا. طيب يا poète qui disait en parlant de la poésie, du nahw, de la grammaire, il disait, la grammaire est difficile et son échelle est longue. Si celui qui ne comprend pas le nahw voudrait gravir cette échelle, il voudra prouver que cette phrase-là est arabe et à la fin, il va faire comprendre aux autres qu'elle ne l'est pas. Ça, c'est un petit poème qui voulait faire comprendre que le nahw, c'était très très difficile. Et Cheikh Al-Uthaymin dit non, nous ne sommes pas d'accord avec ce poème-là, nous disons que la grammaire est simple, avec la compréhension et de l'insistance, au début c'est simple, et quand tu comprends ces règles de base, tu t'élèves dans ces degrés, même les plus hauts, facilement. Donc on a ce alim, ce nahwi, du moins pour l'instant ce talab ilm qui n'arrive pas. Il pose le livre, il dit j'en ai marre. Et il voit quoi? Il voit une fourmi qui porte un grain de riz. Comme on le sait tous, la fourmi, je crois, elle peut porter 50 fois son poids. Le grain de riz, c'était facilement une fois ou deux fois la taille de la fourmi. Alors, il voit la fourmi qui avance difficilement avec le grain de riz sur le dos. Et dans son chemin, elle est confrontée à un caillou. Pour toi, pour moi, le caillou, c'est insignifiant. Pour elle, c'est une montagne. Et aussi, la fourmi, comme vous le savez, elle suit un itinéraire tracé, duquel elle ne s'écarte pas, elle ne s'éloigne pas, de peur de perdre son chemin. Alors cette fourmi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à escalader ce caillou. Lorsqu'elle arrive au sommet du caillou, elle perd l'équilibre et le grain de riz tombe. Alors elle fait marche arrière, elle ramasse le grain de riz et elle réescalade la pierre. Elle rebelote, le grain de riz tombe, elle fait marche arrière et elle réescalade. Et encore une fois, elle tombe. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et lui, il est là, il la regarde. Il l'observe. Et après, maintes et maintes reprises, voici que la fourmi, avec son grain de riz sur le dos, arrive au sommet de la pierre, et tient bien son grain, et continue son chemin, arrive en bas de la pierre, et continue donc sa route. Alors le cheikh, il regarde la fourmi, il dit subhanallah. Elle a insisté pour un grain de riz jusqu'à ce qu'elle réussisse. Jusqu'à ce qu'elle réussisse. Pour sa nourriture. Pour sa subsistance journalière. Celle avec laquelle, du moins celle sans laquelle, elle ne pourrait pas survivre. Et comme il disait l'imam Ahmad, rahimahullah, An-nas ahwaju ila al-ilm min al-ta'am wa al-sharab. L'imam Ahmad disait, rahimahullah, les gens, ils ont plus besoin de la science qu'ils n'ont besoin de la nourriture et de la boisson. Ils ont dit comment ça? Il a dit na'am. Il a dit manger ou boire, ils peuvent le faire une fois par jour. Même des fois, ils peuvent le faire une fois dans plusieurs jours. Alors que le ilm, ils en ont besoin pour chaque respiration qu'ils font. Alors cet imam, quand il a eu la fourmi, elle l'a encouragé, elle l'a motivé, et il a rouvert son livre et il a passer des nuits blanches jusqu'à ce qu'il devint un imam dans la grammaire. Je me rappelle, on avait appelé Cheikh Suhaim et Hafidahullah, au Moudad al-Nasayih, pour Talab al-Ilm, et donc il nous a donné plusieurs conseils. À la fin, on lui a dit, Cheikh, est-ce que tu nous conseilles de faire Talab al-Ilm avec Internet ? Hein, tu remarques, subhanallah, que sur Internet, tu as tout. Tu veux Cheikh al-Fawzan, tu l'as chez toi. Tu vas dans son site, tu as ses dourous en direct. Cheikh al-Rajihi, pareil. Cheikh Abdelkarim al-Khoudaïr, pareil. Ils sont tous là. Le Jadwal, il est là, t'as l'emploi du temps. T'as le décalage horaire en fonction du pays. Et t'as les horaires. Tu les as. Les Dorous Saoutiya, ils sont tous là aussi. Les cours audio, enregistrés. Les livres, ils sont tous là. Tous les frères, je crois, ils ont chez eux le Maktabat al-Shamil. Oulala. Non ? Ala kulli hal. Une mausoua, une encyclopédie, du moins une... un logiciel qui regroupe tous les livres. Et Cheikh, il nous a dit, Hal kharaja fikum 'alim. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui est sorti savant avec tous ces moyens-là? Il a tout. Il a les kutub. Il a les shuyukh. Il a les shuruh. Et pourtant, rien du tout. Après, il a dit, Al-ilmu yuksabu bit-ta'ab. La science, elle s'obtient avec la fatigue. وَالْعِلْمُ لَا يُطْلَبُ بِالتَّنَعُمِ وَلَا بِطِيبِ الْعَيْشِ وَلَا بِطِيبِ الْعَيْشِ وَالْمَطْعَمِ. La science ne s'obtient pas avec le plaisir ou bien avec la joie ou le bonheur, ni avec une vie paisible, ni avec une bonne nourriture. طيب. Donc si tu as des ambitions, et il faut être ambitieux. Naam. Il faut être ambitieux. Se dire, je vais y arriver. Se fixer des objectifs. Et lire dans les histoires de ceux qui nous ont précédés. Voir comment ils ont fait. Et suivre le même chemin. Donc c'est ça l'intérêt d'étudier les biographies des grandes personnalités de notre communauté. Que ce soit les plus prédécesseurs ou ceux qui sont venus après, même les savants qui nous ont quittés récemment, rahmatullahi ala al-amwat minhum. Taïb, attends, j'ai commencé à faire là. Taïb, naktafi bihada al-qadr, inshallah, wa bi'idnillah lana awda, ba'da ghadan, inshallah, tabaraka wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم.